le sol oublie pas. Si le sang coule, mon frérot, n'hésite pas. On sait qui sont les vrais, on sait qui sont les lobes, ça. On sait qui raconte et ceux qui m'étonnent pas. On sait qui va tirer, on sait qui va se taire. On sait qui va se tirer quand ça sera la défaite. Je remets les balles qui restent pour une deuxième guerre. On sait qui est prêt, je te le répète. On sait qui fait quoi, quoi, on sait qui dit vrai. On entend les pop-pop, resteront les vrais. Téléphone intraçable, finir les faits. Mais après, t'auras affaire au fer. On sait qui saute, on sait qui court. On sait qui se tape, on connaît les discours. On sait qui est là, on sait qui esquive tout. On connaît les risques, on vestit plutôt la liste pour. Frère, on a dosé, mais on peut pas se faire. On sait pas qui crosser, mais on sait très bien le faire. J'ai bien dit le faire, on sait qui tremble. On sait qui tremble, on sait qui sort le fer. On sait, oui on sait qui j'y vrai. On sait, oui on sait qui j'y vrai. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui se fait taille, qui parle après. Je te rappelle, j'ai pas ça à faire. Genre le fer, ça dégénère. Genre le fer, ça dégénère. Je te rappelle, j'ai pas ça à faire. On sait qui se fait taille, qui parle après. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui se fait taille, qui parle après. Je te rappelle, j'ai pas que ça à faire. Genre le fer, ça dégénère. Genre le fer, si ça dégénère. Je te rappelle, j'ai pas que ça à faire. On sait qui se pétaille, qui parle après. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. Ça parlait en quête, maintenant ça parle en kill. Dis-moi tu parles à qui, dis-moi tu parles à qui. Je suis souvent capuché dans la ville. Si t'as trahi la Honda, revenez pas à mille. A mon avis, eux, ils sont pas crédibles. Je sortirai avant toi, tu rétis. Prends-moi au sérieux, même quand je ris. Mais pas à rep, ici c'est qu'on jurie. On voit les bleus, on sait qui baraude. On sait qui crie, on sait qui vend, on sait qui s'arrange. Mais c'est le ref, et moi c'est pareil. Si tu le touches, c'est moi qui t'arrose. Prends la caisse à qui, tu vas faire quoi? Attends, ben ça peut, ça va faire mal. Envoie-moi les pistes, ne les perds pas. Nique la trappe, nique tout, on fait tout ce que t'arrives pas. Arrive place à cut, le genre des rois. Cours si tu veux, éviter le drame. J'ai raté le tram, one shot, je vais les faire et puis je me casse en Espagne. On sait qui marche solo dans la ville. De toute façon, on se pète à l'arrivée. J'envoie des bastos si tu cliques. Et le pire des pires, c'est que t'as kiffé. On sait, oui, on sait qui j'y vais. On sait, oui, on sait qui j'y vais. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui se fait taille, qui parle après. Je te rappelle, j'ai pas que ça à faire. Genre le fer, si ça dégénère. Genre le fer, si ça dégénère. Je te rappelle, j'ai pas que ça à faire. On sait qui se fait taille, qui parle après. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui se fait taille, qui parle après. Je te rappelle, j'ai pas que ça à faire. Genre le fer, si ça dégénère. Genre le fer, si ça dégénère. Je te rappelle, j'ai pas que ça à faire. On sait qui se fait taille, qui parle après. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai. On sait qui fait quoi, on sait qui dit vrai.